Bonjour et bienvenue dans ce nouvel animé nos mélodies, déjà le 25e numéro. Ce mois-ci, nous allons faire un tour de magie avec Amy Magique, nous irons nous promener avec les 4 filles du Dr March et nous terminerons l'émission avec Sailor Moon et ce mois-ci avec la 3e série nommée Sailor Moon Super. Vous venez d'écouter Valérie Barouille qui chantait Amy Magique. Mai Kazuki est une petite fille qui rêve de devenir un jour une grande magicienne à l'image de son idole Emily Harwell. Il faut dire que la magie est une histoire de famille. Sa grand-mère dirige une troupe de magiciens. Un jour, Mai reçoit la visite d'un petit lutin nommé Moko qui lui fait cadeau d'un bracelet magique. Grâce à celui-ci et en prononçant une incantation, Mai peut se transformer en Amy, une grande magicienne qui va rapidement devenir une vedette. Mais il n'est toujours pas facile pour Mai de concilier ces deux vies. Autour de Mai, Amy, gravite un nombre impressionnant de personnages. Boulou, Misaki en japonais, son petit frère Henri Espiègle, Ronnie, Cho, un jeune boxeur dont Mai est éprise, mais qui est amoureux de Amy. Monsieur Bartholomé, Monsieur Koganei, le très directif impresario de la magicienne, et bien sûr tous les membres de la troupe des Magicarot. Écoutons ensemble le générique japonais Fushigi Iro Happiness chanté par Yoko Obata. <musique> La musique de la série a été confiée à Keiichi Oku, qui a depuis plus de 30 ans des compositions célèbres, comme la musique du deuxième film de Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, devenu un classique de l'animation japonaise et réalisé par Mamoru Oshii, mais aussi Wingman, Fire Tripper, Muscleman, Marmalade Boy, et bien d'autres encore, son dernier travail ayant été sur une série récente comme You Make Mary en 2011. Pour terminer, il est à noter que lors de son premier passage en France sur la chaîne La 5, Emi Magic avait gardé les chansons japonaises dans la série, mais qui furent enlevées et remplacées par le générique à sa deuxième diffusion. Il est dommage que la chaîne se soit passée de faire de vraies chansons en français comme pour Crémy. On écoute ensemble quelques musiques d'Emi Magic et enfin son ending, Anatadake Dreaming, chanté toujours par Yoko Obata. Thank you. Elles sont toutes gentilles, la tendresse les réunit. Quelquefois elles se griffent, elles sont en rage, mais la paix revient vite après l'orage. On peut dire ce qu'on voudra, car rien ne les séparera. Trois autres disent je t'aime, trois baisers et tout est fini. Ni le sort, ni les garçons, ni la guerre n'ont jamais rien ne les séparera. C'était le générique français chanté par Claude Lombard. Le vrai titre de la série est Ai no Wakakusa Monogatari, le récit des amours de jeunesse. Aux États-Unis, la guerre de sécession vient d'éclater. Monsieur Marsh, médecin et père de quatre filles, doit se rendre au front, laissant sa femme seule avec leurs quatre filles, Meg, Margaret, l'aînée, Joe, Joséphine, le garçon manqué, Bess, Elisabeth, la timide à la santé fragile, et Amy, la plus jeune qui se mettait une pince à linge sur le nez la nuit pour le rendre plus fin. Leur maison ayant brûlé au cours d'une bataille, elles doivent déménager à Newcord, chez leur tante Marthe. Une nouvelle vie les attend. Merci à planetjeunesse.com pour le résumé de cette série. Il s'agit ici de la deuxième génération animée japonaise du roman de Louisa May Alcott, produit en 1987 par la Nippon Animation. C'est aussi la plus moderne, car la première adaptation date de 1981 et possède un design et une animation assez datés. Seule aujourd'hui la musique sur Nage, composée par le grand Takao Watanabe, compositeur aussi de Candy. Mais revenons à la version de 1987. Cette fois, le design est assuré entre autres par Yoshifumi Kondo, dont le trait particulier ne vous aura pas échappé puisqu'il aura travaillé sur Tom Sawyer, avec Hayao Miyazaki aussi en tant que character designer pour Sherlock Holmes, mais aussi avec Isao Takahata et son film Otaru no Aka, Le tombeau des Lucioles, et aura signé d'ailleurs aussi son film, le film vraiment génial ici, Mimi wo Sumaseba, Si tu tends l'oreille, en 1995. Il décédera malheureusement en 1998. Il est à noter que, comme celle de 1981, la série ne développe pas entièrement le roman, oubliant les moments dramatiques comme la mort de Beth et de Tante Marge. Si vous désirez réellement voir cela, je vous conseille le film américain sorti dans les années 2000. Écoutons maintenant le premier générique japonais de Ae no Wakakusa Monogatari, Wakakusa no Shotaijo, par Eri Nitta, utilisé dans les épisodes de 1 à 14. Il existe deux openings et deux endings. Vous venez d'entendre le premier opening. Le second se nomme Itsuka Kito, par Keiko Han, Eiko Yamada et Mayumi Cho et Rei Sakuma. Le premier ending, vous l'entendrez tout à l'heure. Le deuxième ending se nomme Utusama Eno Lullaby, par Satoko Shimonari. La musique de la série a été composée par Kazuo Otani, un nom qui ne vous est pas inconnu si vous écoutez depuis longtemps Anime no Melody, Kazuo Otani étant le compositeur de Cat's Eyes, l'aura ou la passion du théâtre, mais aussi a fait les arrangements de nombreuses chansons durant sa carrière, dont pour Sailor Moon. Les 4 filles du Dr. Marsh étant une série de la Nippon Animation, la musique est assez classique, orchestrale, joliment arrangée, et permet, comme pour Tom Sawyer, de se projeter très facilement dans l'œuvre de Louisa Marie Alcott. Elle ne reste donc pas dans les mémoires, mais accompagne agréablement les 4 filles du Dr. Marsh dans leurs aventures. Je terminerai en vous rappelant qu'il existe une autre série nommée Little Men, en France Petite Bonne Femme, diffusée en 1996 sur TF1. Cette série peut tout à fait être considérée comme la suite des 4 filles du Dr. Marsh, axant une partie de l'histoire sur Joe, devenu professeur et en charge de l'internat. Notons tout de même qu'elle est l'adaptation du 3e livre des aventures de Joe, Little Men donc. La Nippon Animation n'ayant jamais adapté le 2e, Good Wives, alias les 4 filles du Dr. Marsh se marient. Ni le 4e, Joe's Boys, qui est la suite 10 ans plus tard de Little Men. On écoute la musique, puis le premier ending, Yui Tokaze no To Melody, toujours chanté par Elinita. Et on se retrouve ensuite avec Sailor Moon Super! Thank you.

Nous arrivons déjà à la troisième série de Sailor Moon, nommée Sailor Moon Super. Il est à noter que c'est à partir de cette série que Dali ne chante plus l'opening, Moonlight Dansetsu. C'est donc le groupe Moonlips dans une version modernisée. On ne retrouve pas malheureusement cet opening dans le soundtrack de la série Super, mais seulement dans celui de la quatrième saison, Super S. On l'écoute tout de suite. Avec l'arrivée des nouvelles Senshi, guerrières en japonais, de nouvelles compositions ont été créées par Arisawa Sensei, avec le fameux et magnifique make-up de Sailor Neptune, accompagné d'un violon, la puissante musique pour Sailor Jupiter, la mystérieuse Uranus et l'envoûtante musique pour Sailor Saturne. Pour parler aussi de l'anime, c'est aussi la première fois qu'une série très grand public ose parler de l'homosexualité, et en plus comme établie. C'est déjà le cas dans la saison 1 avec Zoizit et Coolzit, côté homme, mais aussi dans cette troisième saison, malgré le doublage français voulant transformer Jupiter en homme avant sa transformation, ce qui ne trompera personne. D'ailleurs, leur histoire d'amour est aussi belle que magique. On ne retrouvera cette ambivalence que plusieurs années plus tard dans la version française de Cardcaptor Sakura, qui lui n'aura aucune censure malgré sa diffusion sur M6. On écoute la musique et on se retrouve après pour se dire au revoir. Thank you. Thank you. Animé nos mélodies, c'est terminé. Je remercie comme chaque mois mes compères Yann Couzard, Yodoka et Gigi de RadioAnime.net. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous retrouver dans notre nouveau podcast Zone 80, disponible sur podcloud.fr. Des remerciements aussi à Xavier Martinez et Christophe San qui ont été d'une aide précieuse sur ce numéro, l'un pour des informations et l'autre pour tout simplement pour avoir les musiques des 4 filles du Dr March tirées d'un 33 tours. Et oui, il n'y a pas de CD existant pour la série. On se quitte avec Moonlight Densetsu, mais en version française officielle et qui se trouve sur l'album japonais Tribute, sorti en 2014 et chanté par une jeune française nommée Clémentine. N'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Au mois prochain! Vers toi, elle nous